Je t'ai trop regardé, maintenant j'aimerais te toucher. N'y vois pas de mal, pas de malice, ni de caprice. Tu m'as beaucoup ému en bougeant pour décroiser tes jambes. Je n'y vois pas de mal, pas de malice. Qui n'a au fond que très peu.